إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours d'aujourd'hui. Alhamdulillah. C'est dans le livre Al-Kaba'ir, Kitab Al-Kaba'ir du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et on commence aujourd'hui le cours numéro 77. On a terminé hier le chapitre au sujet de Ta'atul Umara, ou Ta'atul Wulatul Umur. Et ça, c'était au sujet, bien entendu, de l'obéissance aux dirigeants. Et que ça, c'est en réalité un des fondements, parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, qui distingue entre les gens de Bid'a et les gens de la Sunna. Parce que les gens de la Bid'a, comme les Khawarij et les Mu'tazila, et les Rafida aussi, et la plupart des gens de Bid'a, ils appellent toujours à la révolte contre les dirigeants, et à se révolter contre les dirigeants injustes. Tandis que les gens de la Sunna, ils ont contredit tous les gens de Bid'a sur ce sujet-là. Et la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a, elle est au contraire d'écouter et d'obéir dans le bien. Et d'être patient et endurant vis-à-vis de l'injustice qui se produit de la part de cet individu ou de ce dirigeant qui est injuste. Et de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ce genre de situation. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on a expliqué ce point-là hier, et donc de sortir et de se révolter contre le dirigeant, ça fait partie des kaba'ir. Et donc c'est comme si le cheikh hier, il voulait établir le principe de l'obéissance du dirigeant et montrer alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh et montrer les preuves qui indiquent ce principe-là dans le Coran et dans la Sunna. Et là maintenant, le chapitre d'aujourd'hui, c'est la suite de qu'est-ce qu'on a lu hier. Et le titre de ce chapitre aujourd'hui, c'est Babul Khuruj anil Jama'a. Babul Khuruj anil Jama'a. Et c'est ce qui signifie le fait de sortir contre le groupe ou contre la Jama'a. Et la Jama'a, c'est les musulmans qui sont réunis autour d'un dirigeant et qui sont unis autour d'un dirigeant. On appelle les gens de la Sunna, on les appelle Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et la raison pourquoi on les appelle les gens de la Sunna et de la Jama'a, parce que c'est le contraire des gens de l'innovation et de la passion, qui sont les gens de la division. Donc les gens de la Sunna sont les gens qui sont unis, et unis autour de leurs dirigeants, sur la bonne aqida. C'est ça la signification. Et donc le Cheikh, il explique. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il commence par mentionner quelques versets dans le Coran à ce sujet-là. Et donc il dit wa qawlullahi ta'ala wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira al-aya. Wa qawluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-aya. Donc, le cheikh, il cite donc ces deux versets, qui sont deux versets fondamentaux dans cette question, qui a rapport avec ceux qui sortent contre la Jama'a et qui se révoltent contre le dirigeant. Et on va traduire donc ces deux versets. Le premier, c'est le verset 115 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et quiconque fait scission d'avec le messager après que lui a été clarifiée la guidance, puis qui suit autre que le chemin des croyants, nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise conclusion ou quelle mauvaise destination. Et le verset 103 dans Sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Hein? Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. On va lire maintenant l'explication de ces deux versets par le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Et il dit: عرفنا من الباب السابق أنه لا بد من الاجتماع وأن الاجتماع لا يكون إلا بولي الأمر وولاية الأمر لا تتم إلا بالسمع والطاعة وذكرنا أن معصية ولاة الأمور من الكبائر من كبائر الذنوب فلما ذكر في الباب السابق وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وما في ذلك من المصالح ودفع المضار ثم ذكر في هذا الباب ما في الخروج عليهم من المضار والمفاسد وأن الخروج على ولي الأمر كبيرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. Donc on va commencer par traduire cette partie. Le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit: nous avons appris dans le chapitre précédent qu'il faut absolument s'unir, qu'il faut absolument être uni, et que on ne peut pas être uni, hein, en tant que musulman, on ne peut pas être uni excepté lorsqu'il y a un dirigeant qui nous unit, et on ne peut pas établir la gouvernance et la dirigeance d'un dirigeant excepté lorsqu'on a établi l'écoute et l'obéissance pour ce dirigeant-là. Hein, parce que s'il n'y a pas d'écoute et il n'y a pas d'obéissance, il ne peut pas y avoir d'autorité. Et s'il n'y a pas d'autorité, on ne peut pas être unis réellement. Et donc, on voit les pays dans lesquels il n'y a pas de dirigeant, où il y a eu un coup d'État, où il y a eu des problèmes, eh bien, lorsqu'il n'y a pas de dirigeant qui les unit, eh bien, ils deviennent, comme on a dit hier, un peu comme dans un chaos, et un peu comme avec le principe de la loi de la jungle, hein, c'est les plus forts qui mangent les plus faibles, et puis il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de miséricorde entre les gens. Les gens deviennent un peu comme des sauvages. Et donc ça c'est très très grave, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a établi le fait d'avoir un dirigeant et de l'écouter et de lui obéir dans le bien, pour justement que les gens puissent organiser leur vie comme il faut, et pour qu'il y ait une stabilité, et pour qu'il y ait de la justice, et pour qu'il y ait des droits qui soient respectés. Donc le cheikh il explique que dans le chapitre précédent, on a expliqué l'obligation d'obéir aux dirigeants, et que de désobéir aux dirigeants, ça fait partie des grands péchés. Hein? Et donc, dans le fait d'obéir aux dirigeants, il y a dans cela beaucoup de bienfaits, et il y a aussi le fait de repousser beaucoup de méfaits et des choses nuisibles. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis le cheikh il dit ensuite, puis il a mentionné dans le chapitre maintenant, le chapitre qu'on va lire, que celui qui se révolte contre les dirigeants, il ramène beaucoup de méfaits et beaucoup de mal. Et le fait de se révolter contre le dirigeant, c'est un péché parmi les grands péchés. Ok, c'est une kabira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira par Al-Bukhari et Muslim: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. C'est-à-dire celui qui obéit au dirigeant. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui obéit au dirigeant, il m'a obéi. Et celui qui a désobéi au dirigeant, il m'a désobéi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu obéis au dirigeant dans le bien, c'est comme si tu obéissais au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu désobéis au dirigeant dans le bien, eh bien c'est, dans ce cas-là, c'est comme si tu avais désobéi au dirigeant. Hein? Si tu désobéis au dirigeant dans le bien, c'est comme si tu avais désobéi au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite: فطاعة ولي الأمر من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وولي الأمر هي من طاعة الله، إلا إذا أمر الولي بمعصية حينها تتجنب المعصية، تتجنب المعصية ولا يعني هذا الخروج عليه. Donc le cheikh il dit, donc l'obéissance au dirigeant fait partie de l'obéissance au messager, et l'obéissance au messager et au dirigeant fait partie de l'obéissance à Allah. Cela fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc, si le dirigeant ordonne de faire un péché, alors dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'obéir au dirigeant. Hein? Le dirigeant, il t'ordonne de désobéir à Allah. Dans ce cas-là, tu dis non, je ne peux pas obéir dans ça. Hein? Mais, yani, tu dis non, je ne désobéis pas à Allah. Ça, c'est un péché, je n'ai pas le droit d'obéir dans le péché. Mais le fait que tu désobéisses au dirigeant dans le péché, ça ne veut pas dire que tu te révoltes contre lui. D'accord ? C'est pas la révolte, c'est pas ça. La révolte, c'est quand tu refuses de lui obéir dans le bien et que tu te rebelles, yani, tu refuses son obéissance de façon totale. Hein? Donc le cheikh il a donc expliqué ce verset là. Il explique encore le verset suivant. قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهذا وعيد، فمعنى نوله أي نتركه في غيه وضلاله ونسله جهنم، وهذا في الآخرة. ومعنى ومن يشاقق الرسول أي يخالف الرسول، فيكون هو في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، وهذا إذا تبين له الهدى. ولكن إن كان جاهلا ولا يدري فإنه يعذر، فإن علم وشاق الرسول بعد العلم فإنه يكون حين ذلك متوعدا بالنار، فيتركه الله في الدنيا في غيه وضلاله ويعذبه في الآخرة. نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ça c'est le verset 115 dans sourate An-Nisa, et dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et quiconque fait scission d'avec le messager après que la guidance lui a été clarifiée et qu'il suit autre que le chemin des croyants, hein, autre que le chemin des sahaba, nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné dans l'égarement. Hein? On le laissera se détourner dans l'égarement comme il s'est détourné. Il y a dans cela une menace. Et c'est ça la signification de nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous le laisserons dans son égarement et dans sa déviation. Hein? Nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi, ça veut dire on le laisse partir dans sa déviation et dans son égarement. يعني نوليه ما تولى ونسله جهنم. نسله جهنم ça veut dire on va le brûler dans l'enfer, et ça c'est dans l'au-delà. وساءت مصيرا, et quelle mauvaise, hein, destination, quelle mauvaise destination. Et le début du verset ومن يشاقق الرسول, ومن يشاقق الرسول ça veut dire de contre celui qui fait opposition au messager, qui contredit le messager, qui se sépare du messager. Et le cheikh il l'explique en mentionnant l'exemple comme si on va dire que par exemple t'es dans un endroit et puis il y a une fissure, hein? Donc toi t'es ici puis le messager il est là. Et entre les deux, il y a une fissure ou une falaise. Donc, quand tu fais ash-shiqaq, c'est comme si tu t'es séparé du messager. Toi, tu t'es mis d'un côté, puis le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est de l'autre côté. c'est comme si tu as opposé le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce que signifie yushaqiq. Ok, yushaqiq, c'est-à-dire toi tu te mets d'un côté et le messager sallallahu alayhi wa sallam, lui il est de l'autre côté, donc tu opposes le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque oppose le messager sallallahu alayhi wa sallam après que la guidance lui a été clarifiée, c'est ça la menace qui l'atteint. Il va être, Allah va le laisser dans son égarement et il va le brûler dans l'enfer, dans l'au-delà. C'est ça la récompense de celui qui agit ainsi et qui désobéit au messager et qui ne suit pas la voie des croyants, c'est-à-dire la voie des sahaba. Et donc le cheikh dit ça, c'est lorsque la personne, la guidance lui a été clarifiée. Si la personne par contre elle était ignorante et qu'elle ne savait pas, celle-là elle sera excusée. Hein, parce qu'elle n'avait pas de connaissance, donc elle est excusée pour son ignorance. Mais si elle savait et qu'elle s'oppose au messager sallallahu alayhi wa sallam après avoir eu la connaissance, alors dans ce cas-là elle est sous la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va le laisser dans cette dunya, hein, dans son égarement et dans sa déviation, et dans l'au-delà il va le châtier, hein, il va le châtier dans son châtiment. Ensuite il dit وقوله ومن يتبع غير سبيل ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو الشاهد المؤمنون جماعة واحدة فإذا خرج عليهم أحد كان متبعا غير سبيلهم لأنه فارق الجماعة. واستدل العلماء بهذه الآية على حجية الإجماع. فإذا أجمع المسلمون على أمر فإنه لا يجوز الخروج على هذا الإجماع. ومن خرج على هذا الإجماع فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين فضل ضلالا عظيما. والآية فيها دليل على حرمة الخروج على جماعة المسلمين. Donc le cheikh il dit, et qui suit autre que le chemin des croyants. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit ça, c'est ça le point qu'on veut tirer de ce verset. Cette partie-là, c'est là qu'il y a le sujet de notre chapitre. Le sujet de notre chapitre, c'est l'interdiction de se rebeller contre la jama'a ou de sortir de la jama'a. Hein? Et on a expliqué que la jama'a, c'est les musulmans qui sont réunis autour du dirigeant musulman. Et donc, les musulmans, le cheikh il dit, quand on dit qu'il faut suivre le chemin des croyants, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et qu'ils suivent autre que le chemin des croyants, c'est-à-dire ceux qui ont fait opposition avec le messager et qui suivent autre que le chemin des croyants, eh bien, le point qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est que les musulmans sont un seul corps, une seule jama'a. Hein? L'islam, c'est une seule jama'a. Et on est un seul groupe. Et donc, celui qui sort contre les musulmans, qui se révolte contre les musulmans ou qui attaque les musulmans, ça veut dire qu'il suit autre que le chemin des musulmans. Il suit autre que le chemin des croyants. Il suit autre que le chemin des sahaba. Et il se sépare et il divise la jama'a. Il divise le corps des musulmans en agissant ainsi. Et les savants se sont basés sur ce verset, le verset 115 dans Surat An-Nisa, pour établir la preuve de l'ijma', c'est-à-dire le consensus, pour dire que dans l'islam, si les musulmans sont réunis, les savants sont tous d'accord sur quelque chose, il n'est pas permis de les contredire et de ramener une opinion ou une position contraire à leur consensus. Il faut accepter le consensus et suivre le consensus. Si les musulmans sont tous d'accord sur une chose, on n'a pas le droit de sortir de ce consensus-là et de le rejeter. Et donc celui qui sort de l'ijma, celui qui sort de l'accord des musulmans et du consensus des musulmans, et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'il s'est séparé, il a fait opposition avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, et il a suivi autre que le chemin des croyants. Et donc il s'est égaré d'un immense égarement. Et dans le verset, il y a la preuve qu'il est interdit pour les musulmans de sortir du corps des musulmans et du groupe des musulmans et de se révolter contre eux. Ensuite, il dit « وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَلَى وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا » يعني حبل الله هو القرآن وقيل الإسلام وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم والكل حق والاعتصام معناه التمسك لأن المرء في هذه الدنيا في شرور وخوف فيلجأ إلى القرآن والإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيعتصم بهما. ثم قال ولا تفرقوا، يعني نهى عن التفرق لأن التفرق عذاب والاجتماع رحمة، أمن واستقرار. ويفهم من قوله تعالى ولا تفرقوا النهي عن الخروج عن الجماعة، كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فاجتماع المسلمين وعدم تفرقهم من المصالح العظيمة التي يرجع الخير فيها إلى الجميع، فيجني المسلمون ثمرة ذلك من الفوائد الكثيرة كالأمن والاستقرار والرخاء. Donc le Cheikh il termine donc ce point là en expliquant le troisième verset qui était cité, ou plutôt c'est le deuxième verset qui est cité, verset 103 dans sourate Al Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Et le câble d'Allah c'est quoi? C'est le Coran. Le câble d'Allah c'est l'islam. Le câble d'Allah c'est Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a d'autres significations aussi. Le verset 103. Na'am. 103 dans sourate Al-Imran. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Donc, le fait de, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, Al-I'tisam. Al-I'tisam. Ça veut dire de s'accrocher fermement, de tenir quelque chose très, très, très fort, hein. C'est ça, Al-I'tisam. C'est comme si, par exemple, tu vas te noyer, hein. Tu vas t'accrocher à la corde ou à la bouée ou à quelque chose, solidement pour pas te noyer. C'est ça, Al-I'tisam. De chercher à t'accrocher après quelque chose dans le but de te sauver, pour pas te perdre, pour pas t'égarer, pour pas te noyer. Et donc c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à faire, c'est de s'accrocher fermement, hein, et de se cramponner fermement à la religion d'Allah, au Coran et à la Sunna et à l'Islam et au messager sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de sa Sunna. Et le Cheikh il explique que donc dans la vie d'ici-bas il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte. Et donc, on doit retourner au Coran et à l'islam et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour se préserver et pour se sauver, hein, de ces dangers-là. Parce que dans ces choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, il y a la guidance qui va nous aider à rester sur le droit chemin et à rester sur la vérité. Si on s'y accroche, on va être sauvé. Si on le lâche, on est perdu. On est égaré, on est noyé, on est, hein, on va périr. D'accord? Donc il dit ثم قال ولا تفرقوا نهى عن التفرق لأن التفرق. Donc il a, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il interdit de se diviser. Ça veut dire que la division est un péché. La division est une chose interdite en islam. Et ce n'est pas permis pour les musulmans d'être divisés en groupes ou en parties ou en peu importe. On n'a pas le droit d'être divisé en différentes tendances, en différentes fractions, en différentes sectes, en différents groupes. Les musulmans sont ordonnés par Allah de se cramponner tous au câble d'Allah et d'être unis sur la vérité. Et on leur Allah nous a interdit de nous diviser dans la religion, dans la foi, dans la croyance, dans la aqida. Et donc ça veut dire qu'on est obligé d'avoir une seule aqida, un seul manhaj, une seule voie, un seul chemin à suivre et une seule jama'a. On n'a pas le droit d'être plusieurs jama'a, plusieurs voies, plusieurs groupes, plusieurs croyances, plusieurs tendances, plusieurs pratiques. Non, c'est le Coran et la sunna, c'est à ça qu'on doit revenir. Et donc le Cheikh il explique ici et il dit donc, Allah nous a interdit de nous diviser et la division est un châtiment. La division est un châtiment et l'union est une miséricorde et une sécurité et une stabilité. Et donc, on peut comprendre de la parole lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne vous divisez pas », l'interdiction de sortir contre la jama'a, l'interdiction de se rebeller contre les musulmans lorsqu'ils sont réunis autour d'un dirigeant, puis toi tu viens, puis tu veux faire un coup d'état pour prendre le pouvoir. Le résultat de ça, c'est que tu vas diviser les musulmans. Hein? Ou bien ceux qui appellent aujourd'hui à la démocratie, comme ils font des partis. Hein? Et ils disent aux musulmans, on va se diviser en partis. Le parti, il y en a un parti qui s'appelle le parti du progrès. L'autre parti s'appelle le parti de liberté. L'autre parti s'appelle le parti civilisation. L'autre parti s'appelle le parti démocrate. L'autre s'appelle le parti libéral. L'autre s'appelle je ne sais pas quel autre parti. Et tous ces gens-là, ils sont divisés. Et tous ces gens-là sont musulmans. Et chacun, ils appellent à un dirigeant. Il y a un parmi eux qui se présente, qui dit, moi, je vais être votre chef. Hein, c'est moi qui vais être votre chef, votre dirigeant, votre président, ou votre roi, ou je ne sais pas quoi. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que quelqu'un demande le pouvoir. Il a dit, si quelqu'un demande une position d'autorité ou de pouvoir, ne lui donnez pas. Choisissez celui qui ne veut pas la responsabilité. Parce que lui, celui qui ne veut pas la responsabilité, il sait que c'est quelque chose qui est lourd, que c'est quelque chose qui est dur, que c'est quelque chose qui est difficile, alors il en a peur et il veut s'éloigner de la responsabilité. Il ne veut pas prendre cette responsabilité. Tandis que celui qui se met de l'avant et qui se présente et qui dit « moi je veux être le chef », ça veut dire que lui il prend ça à la légère et ça veut dire que lui il veut profiter du pouvoir, profiter de certains privilèges ou des choses de ce genre. Et donc, il ne sera pas aidé là-dedans. Celui qui va être aidé, c'est celui qui ne veut pas l'avoir, cette position. Et quand il ne la veut pas, mais qu'on l'a choisi et que lui, il ne voulait pas l'avoir en partant, bien dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider dans sa responsabilité. Et il va lui faciliter les choses. Hein? Si quelqu'un, par exemple, il ne veut pas être responsable, hein? Il ne veut pas avoir une responsabilité. Puis, on lui offre cette responsabilité, on lui offre. Il dit, moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas apte, je ne vais pas être capable de faire ce travail-là bien comme il faut. Hein? Et puis, quand finalement, il prend la position, hein, il a des difficultés, on va l'aider. Parce que, depuis le début, il avait dit lui-même, je ne peux pas le faire, je ne vais pas être capable de le faire comme il faut, c'est difficile. Mais celui qui vient de l'avant, qui dit, moi je suis capable de le faire, je suis le meilleur, c'est moi qui va le faire mieux, quand il va avoir des problèmes, les gens vont dire, tu disais que c'était toi qui étais capable. Puis là tu vois que tu n'es même pas capable de faire l'affaire comme il faut. Les gens vont le blâmer, les gens vont le critiquer. Eh bien c'est comme ça. Mais non seulement ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne veut pas la responsabilité et que c'est lui qui a été choisi, Allah va l'aider à remplir sa responsabilité. Tandis que celui qui le veut, qui court derrière ça, ça devient une fitna pour lui. Et donc Allah ne va pas l'aider dans ça. Hein, parce que lui, il courait derrière la fitna. Allah al-musta'an. Donc les salafs, c'est comme ça qu'ils étaient. Ils ne voulaient pas de responsabilité grave et dure comme ça, difficile. Hein? Et quand ils voyaient qu'ils n'avaient pas le choix, là ils le prenaient. Hein? Et ils demandaient l'aide d'Allah pour le faire. Donc c'est comme ça dans l'islam. Hein? C'est pas de faire des partis politiques pour que chacun il vienne essayer de dire « moi je suis meilleur que lui, lui il n'est pas bon, lui il fait ci, il fait ça, et l'autre moi je suis parfait, lui il est mauvais ». Et même que c'est son ami peut-être, hein? Tous les deux ils sont des amis, mais quand ils veulent le pouvoir, ils commencent à s'écraser tous les uns les autres. Allah al-musta'an. Donc on a vu des exemples de ça, pas besoin de mentionner d'exemples précis ou de donner des noms ou des exemples comme ça, juste de comprendre le principe, c'est suffisant pour nous. Et de toute façon, comme on dit, les gens de nos jours, ils parlent tellement de politique jour et nuit, on en entend parler tout le temps à la radio, à la télé, dans les journaux. Donc c'est bien de ne pas en rajouter trop, hein, lorsqu'on parle de ces sujets-là. Nous, on se limite à essayer de comprendre les principes de notre religion par rapport à ces questions-là. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ce sujet, et de suivre la guidance sur ces questions-là. Et donc, le cheikh, il dit, donc, ne soyez pas, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'il signifie, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue les preuves claires. Et ceux-là, il y aura pour eux un immense châtiment. Donc, les musulmans, ils doivent se réunir et être unis. Et quand on dit se réunir ou être unis, ça ne veut pas dire d'être nécessairement ensemble physiquement, comme certains qui veulent juste rassembler le plus grand nombre de personnes ensemble, de dire il faut être plus nombreux. Mais quand tu leur dis il faut parler de tawhid, il faut expliquer la aqidah, ils disent non, ça c'est pas important, il faut pas parler de aqidah parce que ça va diviser. Donc on va uniquement parler du bon comportement, des choses qui ont rapport avec le cœur. On parle de ça parce que ça réunit les gens, hein? Mais on va pas parler des fondements de la croyance islamique, de la aqidah des salaf et du tawhid, parce que ça va diviser. Pourquoi? Parce que parmi nous il y a des soufis, parmi nous il y a des shi'as, parmi nous il y a des ahbash, parmi nous il y a des tablir, parmi nous il y a des ikhwan, et chacun il a une aqidah différente. Donc si on commence à parler de tawhid et de aqidah et de manhaj des salaf, alors là il y en a qui vont pas être contents, ils veulent pas suivre la vérité, ils veulent suivre leur passion. Alors on ne parle pas de ces sujets là pour éviter de diviser les musulmans. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Ça c'est l'égarement total. Celui qui pense comme ça, ça veut dire qu'il suit sa passion. Ça veut dire qu'il met les désirs des gens au-dessus de la vérité et au-dessus de la révélation. Il prend ses passions et ses désirs, pour lui c'est plus important que la vérité. Ça c'est grave. Et donc c'est pour cette raison-là que il faut bien comprendre que quand on parle de s'unir dans l'islam entre les musulmans, ça veut dire de s'unir sur la vérité, de s'unir sur le Coran, de s'unir sur la sunna, de s'unir sur le tawhid, de s'unir sur la aqidah des salaf. Ça c'est l'union dont on parle ici, et non pas juste le fait d'être ensemble juste parce que on est soi-disant musulmans. Mais chacun il a son islam, chacun il a sa compréhension de l'islam, chacun il a sa propre définition de qu'est-ce que c'est d'être un musulman. Ça c'est pas l'union, ça c'est pas une vraie union. Ça c'est une union qui est uniquement en apparence, mais les cœurs sont pas réellement unis. Et ça c'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons vraiment, c'est que les cœurs en premier soient unis sur la vérité, puis que par la suite, une fois qu'ils sont unis sur la vérité, ils vont se rapprocher et se s'unir physiquement facilement par la suite, puisque leur cœur était d'accord avec la vérité en partant. Et donc ça c'est très très important de comprendre ça. Et on va pas faire des compromis dans la vérité et dans la sunna pour soi-disant rester unis comme eux ils le prétendent. Ça c'est un mensonge. Et donc il ne faut pas se diviser, et il faut rester unis sur la vérité. Et il y a dans cela des grands bienfaits, et un bienfait qui revient à tout le monde, lorsqu'on l'applique comme il faut. Et ça ramène des bons fruits aux musulmans et beaucoup de bienfaits. Parmi les bienfaits que ça ramène, la sécurité, parce qu'il y aura une sécurité dans la société. Ça ramène une stabilité politique et même économique aussi, parce que quand ça va, en général, quand ça va au plan politique, ça va aller bien également au plan économique et au plan social également, si on établit la religion comme il faut. Et même qu'on va être dans l'aisance, même que par la suite on aura de l'aisance, parce qu'on a compris la sécurité et la stabilité. Une fois qu'on a établi la stabilité et la sécurité, on est capable facilement par la suite d'établir l'aisance et de vivre dans l'aisance qu'on désire. Ensuite, le cheikh il cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit: wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma marfu'an man kariha min amirihi shay'an falyasbir fa'innahu man kharaja min as-sultani qayda shibrin mata maytatan jahiliyatan akhrajahu. Donc, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui déteste quelque chose de son dirigeant, alors qu'il soit endurant et patient. Car celui qui se révolte contre le dirigeant, même d'une petite distance, eh bien, il va mourir d'une mort de la jahiliya. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On a lu ces hadiths-là dans le livre de Cheikh Abdus Salam ibn Burjis. Hein? On n'a pas fini le livre, mais on va le reprendre après, Inch'Allah, bientôt. Le hadith, donc, il nous appelle à comprendre une chose importante. Que si tu as un dirigeant, et ce dirigeant-là, il y a quelque chose que tu n'aimes pas chez lui, que tu n'aimes pas soit par rapport à la religion, ou que tu n'aimes pas par rapport à sa personne. Quelque chose qu'il a dans sa personnalité ou dans son tempérament ou dans sa façon d'agir, quelque chose quelconque que tu n'aimes pas, donc tu ne dois pas utiliser ça comme un prétexte pour te révolter contre lui et pour sortir contre lui. Non, tu dois endurer ça, tu dois être patient vis-à-vis de ça. Et pourquoi? Parce que celui qui sort contre le dirigeant et qui meurt dans sa révolte contre le dirigeant, eh bien, sa mort sera comme la mort des gens de l'ignorance, à l'époque de l'ignorance. Le cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith-là en disant: أما قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس من كره من أميره شيئا فليصبر فهذا فيه أن الأمير قد يحصل منه شيء يكره منه كظلمة أو كمظلمة أو أخذ مال فعليك أن تصبر ولا تشق عصا الطاعة لأن الصبر على هذا الأمر أسهل مما يحدث لو خرجت على ولي الأمر وهذا من باب دفع أخف الضررين وخصوص وأما العموم فإن خروجك عليه فيه تفريق الكلمة ومن ناحية الخصوص فإذا خرجت على جماعة المسلمين ومت على ذلك فإنك ستموت ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية لا يصبرون على طاعة ولاتهم وهم الذين لا تجتمعهم راية فمن خرج عن جماعة المسلمين شابه أهل الجاهلية. Le cheikh il dit que en ce qui concerne la parole d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, celui qui déteste, en fait c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abdullah ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui déteste quelque chose de son dirigeant, qu'il soit patient. Et il explique que c'est possible que le dirigeant, il y a quelque chose qu'il fasse que tu n'aimes pas, soit une injustice, soit qu'il prenne ton argent, soit qu'il a pris tes biens ou des choses de ce genre, eh bien tu dois faire preuve de patience face à ça. Et tu ne dois pas utiliser ça comme un prétexte pour te révolter contre le dirigeant et diviser l'unité des musulmans. Parce que, il dit, la patience, c'est plus facile. C'est plus facile de faire preuve de patience et d'endurance dans ces questions-là que si les conséquences si tu te révoltes contre le dirigeant. Dans le sens que c'est vrai que l'injustice du dirigeant, c'est un mal. D'accord? Et la révolte contre le dirigeant, c'est un mal. OK? Donc, toi, tu dis, ce dirigeant-là, il m'a fait une injustice. Tu dis, ce dirigeant-là, il m'a fait une injustice. Donc, j'ai le choix d'être patient ou de me révolter. D'accord? Maintenant, si tu es patient, c'est sûr que ça, c'est un mal. C'est dur. C'est difficile. Mais si tu te révoltes, et que tu appelles les gens à te révolter avec toi contre ce dirigeant-là, les conséquences de cette révolte vont être plus dures que la patience que tu dois faire preuve pour endurer ce mal que ce dirigeant-là te fait. Et ce, c'est un mal individuel, hein? C'est un mal que toi-même tu subis seulement, pas nécessairement tout le monde. Donc ça veut dire que c'est un mal que tu vas endurer, c'est vrai que c'est pas bon, c'est vrai que c'est un mal, c'est vrai que c'est une injustice, mais c'est moins pire que toi-même tu subisses ce mal-là, ou quelques personnes qui subissent ce mal, que le chaos soit complètement répandu dans la société, puis qu'il n'y ait plus de sécurité, plus d'ordre, plus de stabilité dans la société, et que tout soit à l'envers, et que le sang par la suite coule, et que les gens, il n'y ait plus de rien. Hein. Il y a des pays comme ça où il y a eu des révoltes de la part de la population, et quand les gens se sont révoltés, ceux qui avaient de l'argent, qui avaient des richesses, qui avaient des maisons, qui avaient des voitures, ils sont tous partis, ils n'avaient plus de raison de rester, parce que ceux qui se sont révoltés, ils avaient des armes, ou ils avaient des trucs, ils sont rentrés dans les maisons, ils ont volé l'argent, ils ont volé la nourriture, ils ont volé les biens, ils ont même violé parfois les femmes, et personne ne peut les arrêter parce qu'il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus personne. Alors qu'est-ce qui arrive par la suite? Hein? Les riches, ils partent. Ou ceux qui connaissent ceux qui ont une connaissance ou qui avaient de l'argent, eux, ils partent. La société, après, elle reste abandonnée. Et je me rappelle, j'ai vu dans un pays, il y avait eu quelque chose comme ça. Il y a eu des pays comme la Libye, tu mentionnes, la Libye et tout. Mais j'ai vu un pays, dernièrement, j'avais vu un reportage en Afrique. Un des dirigeants, bon, que. Il n'y avait pas eu un coup d'État, mais c'est juste pour dire que quand ce dirigeant-là avait chassé du pays tous les commerçants, il les avait renvoyés. Après, il n'y avait plus personne qui faisait le commerce. Et donc, le pays est tombé en faillite. Il n'y avait plus personne qui savait comment faire le commerce. Mais souvent, c'est comme ça quand ils font la révolte. Les gens qui font la révolte, qui ne connaissent pas comment fonctionne le pays, par la suite, ils mettent le pays dans la faillite. Et ils pensaient que, en se révoltant, ils allaient prendre l'argent, prendre les richesses, qu'ils allaient établir, comme ils prétendent, l'égalité. Hein, surtout, c'est les communistes et les socialistes qui ont ces idées que tout le monde doit être égal. Il ne doit pas y avoir de riches et de pauvres. Tout le monde doit être pauvre. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait de riches et de pauvres. Tout le monde doit être pauvre. Après, à la fin, c'est eux qui deviennent riches. Ils critiquent les riches. Une fois qu'ils réussissent à prendre le pouvoir, ils deviennent les riches. Hein? Parce qu'ils ont volé l'argent des pauvres. L'argent des riches et des pauvres. En tout cas, le cheikh, il explique ici que de façon générale, c'est plus facile de patienter à un mal qui te touche toi que la révolte et les conséquences qui en découlent. Et donc, c'est comme si le principe dans l'islam, à ce sujet-là, c'est quoi? De repousser le moindre des deux mâles. Tu dois repousser le moindre des deux mâles. Tu as deux choix. Hein? Tu as deux choix. Bon, il y a des choix, des fois c'est facile, parce que le moindre des deux mâles, il est facile à trouver. Mais je te donne un exemple. T'as une maladie, ok? Ou t'as quelque chose dans ta jambe, d'accord? T'as une blessure ou quelque chose et c'est infecté. T'as deux choix. Soit tu gardes ta jambe et tu meurs, ou tu restes en vie, mais je dois couper ta jambe. Lequel qui est plus grave? C'est de mourir. Qu'est-ce qui est plus grave? Mourir avec ta jambe ou vivre, mais je coupe ta jambe? Ben oui, c'est ça. Donc, il y a un grand mal et un petit mal. Dans l'islam, tu dois mettre le plus grand mal, tu le repousses et tu prends le plus petit mal en premier. Si tu as le choix entre deux mâles. Mourir, c'est un mal. Couper la jambe, c'est un mal. Mais lequel des deux est plus grand comme mal? Mourir. Donc, dans ce cas-là, tu dis, je préfère rester en vie et perdre ma jambe que de mourir et comme ça, je perds ma vie et ma jambe. Et comme si je n'ai plus rien, hein, parce que je suis mort maintenant. Donc, c'est comme ça, en fait. Si tu dis, quand on compare ça par rapport avec le dirigeant, par exemple, l'exemple qu'on donnait avec le dirigeant, l'exemple d'endurer le mal que le dirigeant fait et l'injustice qu'il fait, c'est comparable à se faire couper la jambe. C'est un petit mal. Hein? Parce que si tu te révoltes contre ce dirigeant-là, et tu sors contre ce dirigeant à cause de l'injustice qu'il fait, ça c'est comparable à la mort, dans le sens que ça va être le désordre et le chaos total. Hein? Donc, tu vas passer le plus petit mal, tu vas prendre le plus petit mal pour éviter le plus grand. C'est ça le principe dans l'islam. Ça, c'est une des règles de la charia dans l'islam. C'est une des règles dans la charia, dans l'islam, que tu vas passer, tu prends le plus petit mal parmi les deux. Tu choisis, tu vois un grand mal et un petit mal, tu vas toujours prendre le moindre. Ok? Quand tu n'as pas le choix autre que celui-là ou celui-là, tu vas prendre celui qui est moindre. D'accord? Et de façon plus particulière, le cheikh il dit, le sens général, c'est que si tu sors contre le dirigeant, tu vas diviser les musulmans. Tu vas créer de la division chez les musulmans. Parce que les musulmans, ils n'auront plus de dirigeants. Donc chaque tribu ou chaque ethnie ou chaque fraction, ils vont prendre leur côté. Chacun va prendre sa partie, puis ils vont tous se diviser en différents clans, différentes régions, et l'union qui existait, il n'y en aura plus d'union, parce que les gens vont se diviser, puisqu'ils n'auront plus de dirigeants par la suite. Et il dit, d'un autre point plus spécifique, lorsque tu te révoltes contre la jama'a des musulmans, et que tu meurs dans cet état-là, eh bien tu meurs dans un état de jahiliya. Et donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu meurs dans un état de jahiliya si tu te révoltes contre le dirigeant? C'est parce que les gens de la jahiliya, avant l'islam, ils n'étaient pas capables d'endurer d'avoir un chef et un dirigeant. Ils n'étaient pas capables d'endurer l'obéissance de ce dirigeant-là. Et donc, ils n'étaient pas réunis autour d'une bannière. Ils n'étaient pas unis autour d'un dirigeant. Chaque tribu combattait l'autre. Chaque tribu se révoltait contre l'autre. Donc, celui qui se révolte contre son dirigeant, c'est comme s'il revient à la façon des gens de l'ignorance avant l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il devient mécréant. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam. Ça veut seulement dire qu'il agit comme les gens de la jahiliya dans ce sens-là. Donc, il commet un grand péché parmi les grands péchés. Bon, on ne va pas rentrer dans ça là, hein? Et Allah musta'an. Après, le cheikh il dit: Wa li muslim an Hudhayfa radiyallahu anhu marfu'an satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthmani ins. قال حذيفة قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير أو تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. On va traduire ce hadith qui est un hadith, les ulama ils le mentionnent, les ulama d'Ahl al-Sunnah. Il mentionne souvent ce hadith-là. Le hadith qui dit, selon Hudhayfa, radiyallahu anhu, dans le sahih de l'imam Muslim, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y aura après moi des dirigeants qui ne vont pas suivre ma guidance et qui ne vont pas prendre ma sunnah comme exemple. Et il y aura parmi eux des hommes, c'est-à-dire parmi ces dirigeants, il y aura des hommes, leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Est-ce que ici, le sahabi, Hudhayfa, il pose la question. Il dit, « Oh, messager d'Allah, comment on doit agir quand on voit cette chose-là? Comment on doit agir avec ces dirigeants-là? Ils ont des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Comment on doit agir avec eux? Est-ce qu'on doit se révolter contre eux? Est-ce qu'on doit les combattre, prendre les armes? Est-ce qu'on doit les enlever du pouvoir? Est-ce qu'on doit faire la révolution? Est-ce qu'on doit faire ci? Est-ce qu'on doit faire ça? » Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il a répondu, tu écoutes et tu obéis aux dirigeants. Même si ton dos est frappé et même si ton argent est pris, tu écoutes et tu obéis. Tu écoutes et tu obéis. Donc ça, c'est la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à cette question. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, tu vas te révolter, tu vas prendre les armes, tu vas tuer ce dirigeant, tu vas combattre ce dirigeant. Non. Tu écoutes et tu obéis dans le bien, dans qu'est-ce qui est permis. S'il t'ordonne un péché, tu dis non. Parce que le péché, on l'a lu dans le hadith précédent, on n'a pas le droit d'obéir dans le péché. Mais dans les choses qui sont licites et qui sont bonnes, on continue d'obéir dans le bien. Sauf dans le péché. Dans le péché, on n'obéit pas, mais dans le reste, on obéit. Et on écoute. On se révolte pas. On sort pas non plus dans les manifestations, dans les rues avec des pancartes ou avec des slogans, on commence à crier. Non. Des marches, des démonstrations, non. Tout ça, c'est pas dans l'islam. Tout ça, c'est contraire à l'islam. Tous les ulamas sont d'accord pour dire que ça, c'est interdit. Du moins les vrais savants, les savants de Ahl Sunnah, pas les gens de bid'ah parmi les Khawarij. Et les Mu'tazila et les Ikhwan, les gens qui suivent leur passion, qui veulent uniquement imiter les kuffars dans tout ce qu'ils font. Donc, il faut bien distinguer entre les vrais savants, les savants de la Sunna, et les gens de la passion qui suivent la voie des Khawarij et des Takfirin, ou la voie des politiciens qui veulent suivre leur passion, qui veulent juste leurs intérêts dans la dunya. Le cheikh, il explique, le cheikh Al-Fawzan, il dit, « وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةِ سَتَكُونُ بَعْدِ أَئِمَّةً لَا يَهْتَدُونَ بِهَدِيِ فِيهِ الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُسْتَقِيمِينَ مَا لَمْ يَصِلُوا إِلَى حَدِّ الْكُفْرِ وَذَلِكَ لِجَمْعِ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْ ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ لِدَفْعِ أَعْلَاهُمَا وَقَوْلُهُ وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وفيه دليل على وجوب السمع والطاعة للأمير ولو نالك منه ظلم فالواجب والحالة هذه الصبر وعدم شق عصا الطاعة لما يترتب على ذلك من المفاسد وهذا مع الولاة العصاة فكيف مع الولاة الصالحين العادلين الذين لم يحصل منهم تعد على حدود الله ولا بد من الإشارة إلى أن العباد إذا أساءوا مع الله فإن الله يسلط عليهم الولاة الظلمة قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Donc le cheikh il explique que le hadith de Hudhayfa, qu'il y aura après moi, quand il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura après moi des dirigeants, des imams qui ne vont pas suivre ma guidance, et il a incité dedans à être patient vis-à-vis de l'obéissance de ces dirigeants-là, même s'ils ne sont pas sur le droit chemin ou sur la droiture, tant que leur déviation ou que leur péché n'a pas atteint le degré de la mécréance, du kufr majeur. Et il dit, et la raison pour laquelle on doit être patient et continuer à obéir à ces dirigeants-là, c'est dans le but de rester unis et que les musulmans ne se divisent pas. Et également, c'est de prendre le moindre des deux mâles pour repousser le plus grand des deux, comme on a dit tout à l'heure. Il dit, et la parole ensuite, وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ si on a frappé ton dos et qu'on a mangé tes biens injustement, hein, qu'on t'ait fait une injustice, c'est-à-dire le dirigeant il t'a frappé injustement ou il t'a pris tes biens injustement, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes et tu obéis. Et donc ça c'est la preuve qu'il est obligatoire d'écouter et d'obéir au dirigeant même s'il t'a touché par une injustice quelconque. L'obligation dans ce cas-là c'est d'endurer et d'être patient et de ne pas diviser l'autorité et l'obéissance du dirigeant. Et donc pourquoi on continue à écouter et à obéir dans le bien malgré l'injustice? Parce que si on se révolte contre le dirigeant, il y a des conséquences néfastes à ça, hein? Et donc ça c'est le comportement qu'on doit avoir avec les dirigeants qui sont pécheurs, qui sont injustes. Donc si c'est le cas avec le dirigeant injuste, qu'on doit l'écouter et lui obéir dans le bien, alors imagine dans ce cas-là comment on doit écouter et obéir au dirigeant qui est pieux et qui est obéissant et qui est juste, hein? Encore plus. Donc celui pour lequel, hein, ou de la part duquel il y a eu une injustice, hein, et un dépassement des limites d'Allah, hein, il faut qu'on lui obéisse et qu'on l'écoute dans le bien malgré son injustice, malgré le péché qu'il fait. Et le cheikh il dit ensuite, et il faut quand même indiquer une chose importante ici, c'est que lorsque les serviteurs agissent mal envers Allah et désobéissent à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les punit en mettant sur eux des dirigeants injustes. Dans le sens que le dirigeant injuste, celui qui est au pouvoir et qui est injuste contre la population, c'est souvent une punition d'Allah pour les péchés qu'on a faits. Exactement. Exactement. Donc le dirigeant, il reflète la réalité de son peuple qu'il dirige. Si le peuple et la population est injuste, comment pourrait-il avoir un dirigeant juste? C'est pas possible, hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala les punit en leur donnant un dirigeant injuste. Et le verset 129 dans sourate Al-An'am, il exprime ce principe-là. Il dit ce qui signifie, et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le pouvoir à des injustes sur des injustes, hein, à cause de leur péché. Donc c'est comme si c'était en réalité une punition pour avoir été injuste, hein. Donc la population est injuste envers elle-même, donc Allah subhanahu wa ta'ala les punit en leur donnant des dirigeants injustes. Le cheikh il dit ensuite, وله يعني للإمام مسلم عن أرجف الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. Donc vous voyez les hadiths que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il ramène. Il ramène ces hadiths et ces versets pour réfuter les khawarij. Réfuter les khawarij et réfuter ceux qui appellent à la révolte. Aujourd'hui, tu vois des gens qui prétendent, ou qui parfois il y a des gens qui se prétendent salafis, ou qui prétendent suivre, hein, la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est la salafiyya, puis qui, hein, justifie le takfir et la révolte contre les dirigeants ou d'autres choses de ce genre. Eh bien, on a la preuve que ces gens-là, ils ont contredit, hein, la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a et des salafs et les enseignements, hein, de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qu'il a mentionné justement dans ses livres. Puisqu'on voit ici que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne les hadiths qui interdisent la révolte contre le dirigeant. Et yani qui mentionne, hein, l'égarement de ceux qui agissent de cette manière-là. et qui ont contredit la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc, ceux qui prétendent cela, hein, ça veut dire que c'est des gens qui ne connaissent pas le manhaj de Ahlus Sunnah et qui ne suivent pas réellement les enseignements des ulama qui suivent la voie des salafs, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ou le Cheikh Ibn Taymiyyah ou les autres imams parmi les imams de Ahlus Sunnah. Donc, il cite le Cheikh Mohammed, rahimahullah, ici, le hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Arjafa al-Ashja'i radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vient vers vous alors que vous êtes tous réunis autour d'un seul homme et qui veut diviser, hein, qui veut vous diviser votre jama'a, alors tuez-le. Et dans une autre narration, il dit faqtuluhu ka'inan man kan, c'est-à-dire tuez-le peu importe qui il est, peu importe, même si c'est un pieux, même si c'est un imam, même si c'est un cheikh, même si c'est un alim, peu importe, hein, il sort contre le dirigeant et vous êtes unis autour de ce dirigeant, il veut diviser les musulmans, tuez-le. Si c'est un individu, le dirigeant va l'exécuter. Si c'est un groupe qui prennent des armes et qui veulent se révolter, ils seront combattus par le dirigeant et son armée et ils seront exécutés aussi. Donc le cheikh il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Arjafa man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashuq 'asaakum wa yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. يدل هذا الحديث انه اذا تم الامر وانعقدت البيعة للأمير واجتمعت الكلمة ثم قام من يريد أن يشق عصا الطاعة ويفرق الجماعة فإنه يجب قتله لإراحة المسلمين من شره، وهذا من باب دفع الشر العظيم بالشر الأقل، فيقتل وإن كان مسلما لأن قتله أقل مفسدة، وهذا يدل على أنه لا تجوز طاعة دعاة الضلال الذين يلتمسون العثرات ويتتبعون زلات ولاة الأمور فينشرونها من أجل إثارة الفتنة. Donc le cheikh il dit dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vous vient, hein, il est rapporté par le sahabi Arjafa Al-Ashja'i radiyallahu anhu, il dit celui qui vous vient alors que vous êtes tous réunis autour d'un seul homme et qu'il veut vous diviser votre jama'a, hein, dans ce cas-là tuez-le. Il dit tuez-le. Quand on dit tuez-le, comme on l'a expliqué déjà dans d'autres cours, tuez-le ça ne veut pas dire n'importe qui le voit il le prend il le tue, non, hein. On a expliqué ça. C'est le dirigeant et c'est les responsables qui vont l'exécuter. Bien entendu, après qu'il soit jugé, c'est pas yani n'importe qui a le droit de tuer un criminel ou un coupable. Hein? Des fois, les koufars ils jouent avec ça. Ils prennent un livre ou un hadith ou une parole d'un imam ou d'un savant qui dit celui qui fait ça il doit être tué, et ils disent ah, regardez les musulmans ils appellent au meurtre, hein, ça c'est vraiment essayer de détourner la réalité. C'est comme si par exemple tu étais dans un état par exemple en Floride où il y a la peine de mort, puis le juge là-bas en Floride il décrète pour tel crime que quelqu'un a fait qu'il doit être exécuté. Donc, eux, ils vont dire, ah ben, il appelle au meurtre. Non, le juge, il appelle pas au meurtre, il appelle à appliquer la peine et la loi de pour le crime qu'il a commis. Et donc, dans l'islam, il y a la peine de mort. Dans l'islam, il y a la peine de mort. De la même manière que dans certains pays, même chez les koufars, comme chez les Américains, par exemple, il y a aussi la peine de mort. Et dans d'autres pays, il y a aussi la peine de mort. Ben, même avant, au Canada, il y avait la peine de mort. Il y avait la peine de mort partout en Europe, ici, partout, dans tous les pays du monde, il y avait la peine de mort. C'est dernièrement que là, ils commencent à dire non, la peine de mort, c'est pas bien, il faut pas. Il préfère garder quelqu'un toute sa vie dans la prison à payer pour lui des taxes. Hein? Il vit sur le dos de la société. Alors qu'il a fait un crime, il a tué quelqu'un. Où est-ce qu'elle est la justice? S'il a tué, pourquoi il ne va pas être tué? Hein? Ou bien s'il a fait du désordre, pourquoi il ne va pas être exécuté alors que Allah il a décrété qu'il doit être exécuté? Donc, ça c'est, si tu dis ça, ça veut dire, il y en a les gens qui contredisent ça, ça veut dire qu'ils ne veulent pas vraiment la justice. La justice, hein, c'est que la personne qui a tué ou qui a fait un crime, qui mérite la mort, dans ce cas-là, il doit être exécuté. C'est ça le principe. C'est pas une question de sentiment, comme ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent. Et ils disent, ouais, mais si jamais le juge, il se trompe, puis que la personne, elle est exécutée, alors que c'était pas lui qui était le responsable. Donc, il a été tué pour rien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait si la personne, le juge s'est trompé ou non, si le juge s'est trompé dans cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va réparer ça. Mais celui qui ne croit pas en l'au-delà, qui ne croit pas au jugement dernier, pour lui, une fois que la mort est arrivée, la mort c'est la mort. Hein? Il ne croit pas en l'au-delà. Il ne croit pas qu'après la mort, il y a quelque chose alors. Pour lui, c'est la fin. Hein? S'il meurt, c'est fini. Mais pour les croyants, non. Pour les croyants, si quelqu'un il a été injustement puni dans cette vie d'ici-bas, il sait que dans l'au-delà, il aura sa justice. Hein? Il sera compensé. Ensuite, le cheikh il dit donc que il faut donc que la personne qui s'est révoltée et qui a pris les armes contre le dirigeant, il faut qu'il soit exécuté. Et le but de ça, c'est de débarrasser les musulmans de son mal. Et c'est de repousser un grand mal par un plus petit. Hein? Parce que c'est vrai que, hein, on tue un musulman. Lorsqu'on tue celui qui s'est révolté contre le dirigeant, on tue un musulman. Mais que ce musulman-là soit exécuté, c'est un plus petit mal vis-à-vis ou comparé, yani, du mal qui découle de la fitna qu'il fait lorsqu'il se révolte contre le dirigeant. Donc c'est un plus petit mal vis-à-vis d'un plus grand mal, comme on a dit tout à l'heure. Et donc ça prouve qu'il n'est pas permis, hein, d'écouter les gens qui appellent à l'égarement et qui cherchent à diffuser les fautes des dirigeants, les erreurs des dirigeants et les injustices ou les péchés du dirigeant. Ils prennent ça et ils diffusent ça. Hein? Ils racontent ça à tout le monde. Ils diffusent ça par internet. Et ils font ça dans le but de faire la fitna. Donc le cheikh dit, فَلَا بُدَّ مِنَ الْحَذَرِ مِنْ هَذَا السِّنْفِ فَإِنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي كَفِّ شَرِّهِمْ وَتَحْصُلُ لِلْجَمِيعِ وَلَيْسَتْ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ فَحَسْبُ قَدْ لَا يَكُون هؤلاء الدعاة عندهم المقدرة على الخروج ولكنهم يستخدمون التحريش والتكلم في المجالس والاجتماعات فيترتب على ذلك الفساد. Donc le cheikh il dit, il faut faire attention à cette catégorie de personnes qui diffusent les péchés et les fautes des dirigeants. Et donc il y a dans le fait de les arrêter un grand bienfait, parce que ces gens-là, ils font beaucoup de mal. Et ce n'est pas un bienfait juste pour le dirigeant lui-même, mais pour toute la société au complet. Hein? Il dit donc que peut-être que ces individus qui propagent les péchés des dirigeants ou qui parlent contre les dirigeants, peut-être qu'ils n'ont pas la capacité ou la force nécessaire pour se révolter contre le dirigeant. Hein? Mais ils utilisent ce genre de méthode, hein, d'incitation, et le fait de parler en mal des dirigeants dans les assemblées et dans les réunions, et il y a beaucoup de mal qui découle de ça. Il dit فَلَقَدْ كَانَ الْحَجَّاجُ وَالِيًا وَكَانَ ظُلْمُهُ قَاسِيًا وَمَعَ هَذَا صَبَرَ الْمُسْلِمُونَ وَالْعُلَمَاءُ عَلَى ظُلْمِهِ. وكان فيهم خيار التابعين، وهذا الإمام أحمد مع كل ما أصابه من الولاة كان صابرا محتسبا، وقد عفى عمن عذبه وظلمه، ولقد كان المسلمون والعلماء مع ولاة الأمر مع ما كان يحدث منهم من أخطاء، فكانوا يناصرونهم ويقاتلون معهم، ولا سيما الإمام أحمد، فقد كان بإمكانه بإشارة منه أن يحرض الناس على الخليفة، ولكنه صبر ولم يخرج على الإمام. فهذا منهج عظيم عند المسلمين، وهو أن لا يخرج على ولي الأمر بسبب الظلم والفسق، والسبب ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في الخروج عليه أكثر منها في بقائه. فالواجب الحذر من دعاة الفتنة المندسين بين الناس. Donc le cheikh il termine son explication en disant que à l'époque, hein, il y a de ça des siècles, il y en a peut-être plus que 1200 ans environ ou environ, il y avait un dirigeant qui s'appelait Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Et celui-là, il était très dur et très injuste. Mais les musulmans ont été endurants. Et ils ont été patients, ils ont enduré son injustice. On dit de lui qu'il avait exécuté ou qu'il a tué plus que 100 000 personnes. 100 000, hein? Donc, c'était une injustice et c'était quelqu'un qui était très dur. Hein? Très dur. Et parmi eux, à l'époque, il y avait les meilleurs parmi les tabi'in, les élèves des sahaba, les grands savants. Et ils ont été patients, ils ont enduré son injustice. Il y a eu l'époque de l'imam Ahmad et ce qu'il a subi de la part des dirigeants de son époque. Malgré tout, il a été endurant. Et il a accepté cette épreuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a pardonné à ceux qui l'avaient torturé et qui lui ont fait de l'injustice. Et il dit que les musulmans et les ulama à l'époque, hein, ils étaient avec les... Il dit, les musulmans et les dirigeants, ainsi que les responsables, avec tout ce qui s'est passé de leur part comme erreur, malgré tout, ils étaient avec les dirigeants. C'est-à-dire, les ulama, ils n'étaient pas contre les dirigeants malgré l'injustice qu'ils faisaient, dans le sens qu'ils ne se révoltaient pas contre les dirigeants. Même si les dirigeants avaient fait des graves erreurs dans ces questions-là. Au contraire, ils combattaient avec les dirigeants. Et ils défendaient les dirigeants dans les autres affaires de la religion et de la vie. En particulier l'imam Ahmad, il aurait pu juste faire un signe. Il aurait pu juste dire, hein, allez-y, révoltez-vous contre ce khalifa, révoltez-vous contre ce dirigeant. Il a pas dit ça. Hein? Voilà. Alaykoum salam, my gars. Alaykoum salam, rahmatullah, mashallah. Donc, il aurait pu dire aux gens, révoltez-vous contre le dirigeant. Non, il a pas fait ça. Hein? Il a été patient, il a été endurant, il ne s'est pas révolté contre le dirigeant. Et ça, c'est une méthodologie qui est très grande, très importante pour les musulmans. C'est-à-dire de ne pas se révolter contre le responsable à cause d'une injustice ou à cause d'un péché qu'il fait. Et la raison de ça, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des conséquences plus graves, que le sang des musulmans puisse, hein, que le sang des musulmans coule, ou que les tribulations et les problèmes se propagent dans la société et que les musulmans soient divisés. On ne veut pas ça. C'est pour ça qu'on dit aux musulmans, ne vous révoltez pas contre les dirigeants, parce que le mal qui découle de la révolte contre ces dirigeants-là, il est plus grand que le mal de les garder au pouvoir malgré leur injustice. Et donc, il est obligatoire de faire attention aux gens qui appellent à la fitna et qui s'infiltrent parmi les musulmans pour faire du désordre entre eux. Des fois, vous ne savez pas, Yanni, hein, mais des fois, les koufars, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent des gens, comme on dit, des gens pour faire de la perturbation ou bien pour faire c'est comme des agents infiltrés, hein. Non, c'est pas des commandos, c'est juste des perturbateurs, hein. Et ils font du bruit, ils incitent les gens à se révolter. Et eux sont formés pour faire ça. C'est des gens qui sont spécialistes là-dedans. Hein? C'est des gens, ils sont spécialistes dans ça et ils savent comment le faire. Et ils ont des moyens, ils ont de l'argent. Et ils sont payés par les ennemis de l'islam, par les koufars. Ils sont poussés par eux pour faire ça dans les pays musulmans. Donc tu vois, toi, les gens commencent à se lever, commencent à se soulever. Hein? Mais toi, tu ne sais pas qu'à la tête de ces gens-là, il y a des gens qui sont payés par les koufars pour se soulever contre ces dirigeants-là. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ils sont payés pour faire ça. Et les koufars, ils choisissent des gens, justement, qui savent bien parler, qui sont éloquents, qui sont charismatiques. Quand ils parlent, les gens les écoutent. Et ils se lèvent, ils commencent à crier, « Allez, levez-vous, sortez contre les dirigeants. Hein, ils ont fait de l'injustice, ils ont volé l'argent, ils ont fait ci, ils ont fait ça. » Alors les gens, ils se soulèvent, et ils se lèvent, et ils sortent contre le dirigeant, ils se révoltent. Et le pays devient sans dessus-dessous. Tout est à l'envers, le chaos total, hein, le crime, l'injustice, le vol, le viol, l'injustice. Et il se plaignait qu'avant il y avait l'inflation, les choses coûtent cher, les emplois ça paye pas assez, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas de bons travails. Et il se révolte. Après la révolte, les choses coûtent encore plus cher, il y a encore moins d'emplois, il y a encore moins de travail, les gens ils sont encore plus dans la difficulté. Il dit, ouais, mais maintenant, on a fait la révolution et donc on pensait que ça allait être mieux. Finalement, c'est pareil ou même parfois c'est pire. Et donc ça, c'est le résultat. Il y a le résultat de la désobéissance, hein, aux paroles d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qui vient compléter le sujet d'aujourd'hui, qui est le chapitre sur Al-Khuruj al-Jama'a. On a terminé. Le prochain chapitre, c'est le chapitre au sujet de, ça s'intitule Maja'a fil fitan. Maja'a fil fitan. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été rapporté au sujet des tribulations et des problèmes. Et le chapitre, je pense que c'est un des plus gros chapitres dans le livre. Il commence à la page 554 et il termine à la page 576. Donc, on a quand même un sujet qui est assez long. C'est un des longs chapitres parmi les chapitres du livre. Donc, on va passer quelques cours sur le chapitre la semaine prochaine. Inch'Allah, peut-être on va faire deux cours le samedi et dimanche pour compléter ce chapitre-là. Deux cours pour compléter ce chapitre au sujet des fitan. Ouais, samedi et dimanche prochain. D'accord, Inch'Allah ta'ala. Donc il y a beaucoup de hadiths qui sont mentionnés, beaucoup de versets, beaucoup de hadiths intéressants et très importants. Le Cheikh Al-Fawzan, il va les expliquer, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.